Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec la longue des zones, et bien sûr, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir l'excellence de la musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CJRO 177 179 Carlsbad Verse, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté Simcoe en Ontario. Et bien sûr, la radio web des productions JB au www.prodjb.com. Merci bien de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions ou contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Merci beaucoup. On va y aller avec la deuxième partie du Bloc de l'Est, Québec-Ontario, deuxième heure de l'émission, avec Sylvie Poirier. C'est une chanteuse jazz que j'ai reçue son petit EP il y a quelques semaines. Et là, je partage sur ma page Facebook une belle interprétation de « Ne me quitte pas » des Parapluies de Cherbourg, écrit par Michel Legrand, bien sûr. C'est ce merveilleux film français. Et puis, c'est vraiment une belle interprétation. Donc, « Ne me quitte pas ». Je vais vous faire entendre tout simplement « Dans un rêve ». Très bonne pièce de Sylvie Poirier. Par la suite, on va entendre également Éric Dunord, qui lui nous offre « Écœuré d'être écœuré ». Autre bonne pièce. Et on va terminer ça en beauté avec le duo de Flore qui nous offre à tout jamais vraiment une très belle pièce, un peu plus jazzy, un peu plus latino, mais très intéressant, vous allez voir. Donc, à tout jamais, de Flore, ça s'en vient. Pour l'instant, Sylvie Poirier avec sa chanson « Dans un rêve ». Thank you. Petit être de Flore. Donc, deux membres de l'ex-formation Big Ballade. Assez intéressant, merci. Et ce nouveau duo-là nous fait de l'excellente musique. Il devait nous présenter un petit EP, mais je pense que ça a été reporté à l'automne à cause de la pandémie, bien sûr, cette fameuse pandémie qui dérange et trouble tous nos plans. Donc, mais j'ai bien hâte d'entendre ça. Et si c'est comme à tout jamais, ça risque d'être fort intéressant. Ça nous amène à notre bloc de musique instrumentale. Il y a quelques semaines, je vous parlais que Jean-Cyan Moreau-Gagnon, Jean-Cyan MG, et son trio, bien sûr, qu'on tourne beaucoup aussi à Canrock, eh bien, elle a fait un projet solo avec Frank Lozano, qui est saxophoniste. Elle est pianiste jazz. Et c'est fort intéressant à première écoute. Donc, j'ai hâte d'écouter ça à fond et de vous en parler un peu plus longuement de cet album-là. Donc, Convergence, c'est l'album. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Salut d'amour. Très bonne pièce, piano, jazz, saxophone. Vous allez voir, magnifique. Parlant de piano jazz, il y a aussi Michel Grégoire qui, je pense, a étudié la musique en Nouvelle-Écosse, à Halifax, si je ne me trompe pas, mais est aujourd'hui de retour au Manitoba. Eh bien, elle aussi, très bonne pianiste jazz. De son album Diversity, on va entendre la pièce Love for Sale. Vraiment intéressant comme pièce également. Donc, Michel Grégoire, ça s'en vient. Mais pour l'instant, Jean-Cyan MG Trio et Frank Lozano. Mm-hmm.